temps, je suis là. Le plus souvent tout près de toi. Je travaille, je râle un peu. Qu'est-ce que tu veux, je suis pas un dieu. Moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de prendre mon temps. C'est pas grave, je suis pas grave. Je préfère zapper poil au nez. Je suis vraiment le bi-le-bi, oui, oui. Vraiment le bi-le-bi, oui, oui. Je suis vraiment le bi-le-bi, oui, oui. Vraiment le pire des bi-oui-oui. Choisis le bi-oui-oui. Le lendemain, ça recommence. Je devais pas faire ce que tu voulais. J'en peux plus, je suis déçu. Comment dire, poilot. Des projets, des voyages, j'en entends tous les soirs. Si seulement t'avais pu oublier, tout est dû. Je suis vraiment le pire des bi-oui-oui. Vraiment. Responsabilité.